Salut à toutes et tous, la tribu. Bienvenue dans la 21e Vampire Freaks. Et c'est Spike qui débarque dans votre salon chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite, mais aussi sur archive.org. Ce soir, j'ai prévu du lourd et du live. On commencera cette soirée avec Charge 69 et le titre Le Paradis des Vendus. C'est sur l'album Résistance Électrique, sorti en 2011. On peut entendre Contre la Montre, Strict Minimum, Génération Sans Repère et plein d'autres. On poursuivra avec Judge Dredd et Bedtime Stories. C'est aussi le titre de l'album sorti en 2009. On peut entendre What a Beautiful Pair, Christmas in Redland, Big Ten et Look a Pussy notamment. J'adore cet album. Et on s'écoutera ensuite Les Sales Majestés et le titre Tout à fond, tout à fond. C'est sur le best-of LSM 1992-2002, paru en 2002. On retrouve tous les classiques des Sales Majestés. Petit Papa Noël, Les Politiciens, Y a pas d'amour, Bienvenue et plein d'autres. Et on finira ce bloc en live avec Pantera et Becoming. C'est sur l'album 100 Proof, paru en 2012. On peut y retrouver Cowboy From Hell, I Can't Hide, Walk, Warnarve notamment. Et non, où avais-je la tête? Avant Becoming, il y a Herman Isser de Nina Hagen, de l'album Une Be Again, du Nina Hagen Band en 1979. Oh là là, Spike, faut arrêter un peu. Jamais à évoluer, uniformité des désirs, conformité des besoins, vouer de conquérir en fanfare, un robot dans ma ligne des mires, toujours à se comparer, un modèle homologué, surtout pas s'émanciper. Pendant le trou polémique, est-il bourgeoise de la morale? Individu, je reste unique, face à citoyen mécanique, mon identité est radicale. Toujours à se comparer, un modèle homologué, surtout pas s'émanciper. Sans stéréotypes et clichés, avec mon expérience, mes espérances, à vouloir toujours te comparer, c'est au malheur que tu vas t'enchaîner, une course sans fin pour l'existence. Toujours à se comparer, un modèle homologué, surtout pas s'émanciper. Stay with me. Oh, Christ, I had a skinful last night. What we got first? Bedtime stories? That'd be nice and quiet. Right, lads, ready? Oh, Jesus! Cool, what? I was kneeling by the bed and praying. She said, come, love, and get undressed. I said, I'm praying for guidance. She said, pray for strength and I'll do the rest. So I told her a bedtime story about the first time I got laid. As I ran down the stairs, she cried after me, you bleeder, you ain't paid. Girls, because of the size of my wood, I had to keep my shirt on and give them as much as I could. So I told her a bedtime story of my non-religious rod and how I was an unbeliever. She said, you don't believe in bedtime story. One night I was asleep and the girl said, get up quickly, I can hear the stairs creak. She said, get out, it's my husband. And I was halfway out the door when I realized it couldn't be. I was married to her. Oui, moi j'aime faire du oui, oui c'est toute ma vie. Et avec les copains, on joue du soir au matin. On n'est pas des bons à rien, même si ça rapporte rien. Juste une bande de crèves-lapins, qu'on pas peur du lendemain. Oui, et avant les concerts, on se bourre la gueule à la bière. Tout à fond, tout à fond, allez les gars, tout à fond. Tout à fond, tout à fond, allez vas-y monte le son. Tout à fond, tout à fond. Allez les gars, tout à fond, tout à fond, tout à fond. Allez, vas-y, monte le son. On n'est pas des scélérats, des menteurs sans foi ni loi. On fait pas de compromis, on joue pas pour Vivendi. On passe pas à la radio, ni pas assez démagos. Trop critique pour le système, musique pas assez FM. Oui, et avant les concerts, on se bourre la gueule à la bière. Tout à fond, tout à fond. Allez les gars, tout à fond, tout à fond, tout à fond. Allez, vas-y, monte le son. Tout à fond, tout à fond. Allez les gars, tout à fond, tout à fond, tout à fond. Allez, vas-y, monte le son. Tout à fond, allez les gars, tout à fond, tout à fond, tout à fond, monte le son, tout à fond, tout à fond. Allez les gars, tout à fond, tout à fond, tout à fond. Allez, vas-y, monte le son, tout à fond, tout à fond. Allez, Fifi, tout à fond, tout à fond, tout à fond. Allez, Tico, monte le son, tout à fond, tout à fond. Allez, Speedy, tout à fond, tout à fond, tout à fond. Allez, Olive, monte le son, tout à fond. Da, wo die bösen Nächte Check it out, Virtual Dog. Vous êtes toujours dans la 21e Vampire Freak, c'est Spike qui vous accompagne. On commencera ce bloc avec La Mano Negra et le titre Pachanka. C'est aussi le titre de leur premier album sorti en 1988. On retrouve Ronde de Nuit, Darling Darling, L'Aventura et Malavida. Je passerai ensuite Tattoo du groupe J'aurais voulu. C'est sur l'album Sur nos routes, sorti en 2014. On peut entendre Rebelle de l'ombre, Comme un loup solitaire, Qui sauvera mon âme, Putain de vie, entre autres. Allez sur la page Facebook de J'aurais voulu, un petit like au passage, ça fait toujours plaisir. Et je diffuserai ensuite Stay Dread de Scratch Tipperi, c'est sur l'album Archive sorti en 1998. On retrouve The Upsetter, City Too Hot, Dr. Dick, Kill Them All notamment. Et on s'écoutera ensuite Infirmière de Madame Guillotine, c'est sur l'album Article 35 sorti cette année. On peut entendre Hexagone, Sorcière, Assis sur le toit du monde, Le rêve américain, un magnifique album. Et on finira ce bloc en live avec Doro et le titre Celebrate. C'est sur le 25 Years in Rock réalisé en 2010. On peut entendre I Rule the Rhine, An Only Love, Above the Ash et aussi une reprise de Nothing Else Matters de Metallica. Freedom! symboles ferment se démarquer. Des siècles à se faire tatouer. Esprit de gang ou esprit de revanche. La sagesse trouvée dans un petit grand pré. Tatou, tatou, in my mind. Tatou, tatou, in my heart. Tatou, tatou, in my soul. Tatou, tatou, for freedom. Tatou, tatou, in my mind. Tatou, tatou, in my heart. Tatou, tatou, in my soul. Tatou, tatou, for freedom. Ces symboles servent de se marquer. En marge, en rage, libre et rebelle. Éternité du passé ou futur dessiné. Entrer les couleurs de son identité. Tattoo, tattoo, in my mind. Tattoo, tattoo, in my heart. Tattoo, tattoo, in my soul. Tattoo, tattoo, for freedom. Tattoo, tattoo, in my mind. Tattoo, tattoo, in my heart. Get out and I drink a rum. I Écoutez toujours la 21e Vampire Afrique chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite. J'ai envie de vieux live. On s'écoutera Peter Tosh et African. C'est sur le Complete Captured Live sorti en 1984, remasterisé et réédité en 2002. On peut entendre Pick Myself, Rastafari's, Coming In Hot, Bush Doctor et plein d'autres. On s'écoutera ensuite Oi Oi Oi de Chaos Urbano. C'est sur l'album Recuerdos y Raices. On peut entendre Cuatro Gatos, A la Locura de Parabellum, Pina Vance et Skinhead entre autres. Ouais, c'est surtout des reprises. Je diffuserai ensuite Les Crétins des Alpes et Femme à la Campagne. C'est sur l'album Mortel, sorti en 2011. On retrouve Emma Jorette, La Tartiflette, Mémé Sraviole, Desgains il en veut, Allez Champ Pipi et plein d'autres. J'adore cet album. Ils ont lancé la souscription pour leur cinquième album qui s'appelle Chevalier Crétin. Et moi j'ai souscrit. Allez faire un tour sur la page Facebook de Les Crétins des Alpes. Et oui, les L-A-I-D-S, Crétins des Alpes. Un petit like au passage. Tiens, si on se faisait péter un Darkoustics. Eh oui, il est un peu chez lui dans cette émission Darkoustics. Alors je passerai DX du Super Outzone sorti le mois dernier. Bien évidemment que j'en diffuserai d'autres. Et on peut entendre Dancing Peace, Dorca, You, entre autres. Salut à toi Darkoustics. Et on a commencé ce bloc en live et on le finira en live avec Scapé et Welcome to Hell. C'est sur le live Incontrôlable, paru en 2004. Le meilleur live de Skype, je pense. Ha! corriendo por las calles, ay, ay, ay. Voy corriendo, soy libre, ay, ay, ay. Nuestra vida es así. Escucha el grito de las calles, sabemos justo lo que significa. Incluso a los ignorantes se lo vamos a enseñar. En cada callejón de mierda estamos por todas partes. Vienen y se unen al grito, ellos lo reconocerán. Puedes escuchar a los políticos, ellos te llevan por el mal camino. Tienes que ver la luz y la manera de ser tú mismo. No hay nada como nosotros corriendo por las calles. Ay, ay, ay. Voy corriendo, soy libre. Ay, ay, ay. Nuestra vida es así. Voy corriendo por las calles. Ay, ay, ay. Voy corriendo, soy libre. Ay, ay, ay. Nuestra vida es así. Vamos corriendo por las calles. Ay, ay, ay. Voy corriendo, soy libre. Ay, ay, ay. Nuestra vida es así. Voy corriendo por las calles. Ay, ay, ay. Voy corriendo, soy libre. Ay, ay, ay. Nuestra vida es así. Avoir sa femme à la campagne, ça évite bien des désagréments. Le soir, tu rejoins ta compagne parmi l'odeur du foin et des fleurs des champs. Avoir sa femme à la campagne, ça évite bien des désagréments. Le soir, tu rejoins ta compagne parmi l'odeur du foin et des fleurs des champs. Pour faire ses emplettes, elle a la supérette. Pas besoin de belles toilettes pour s'occuper des bêtes. Pourquoi du maquillage pour faire du fromage? À quoi bon du parfum si on sent le purin? Avoir sa femme à la campagne, ça évite bien des désagréments. Le soir, tu rejoins ta compagne parmi l'odeur du foin et des fleurs des champs. La journée, je mastique car je suis vitrier. Et le soir, je laboure, je suis un homme comblé. Si elle veut draguer, y'a les temps d'à côté. Sansu et moustique sauront bien la sucer. Avant sa femme à la campagne, ça évite bien des désagréments. Le soir, tu rejoins ta compagne parmi l'odeur du foin et des fleurs des champs. Sac à main. Elle a droit aux vacances, elle fait la transhumance. Les bergers sont ravis, ça les change des brebis. Avant sa femme à la campagne, ça évite bien des désagréments. Le soir, tu rejoins ta compagne parmi l'odeur du foin et des fleurs des champs. Avant sa femme à la campagne, ça évite bien des désagréments. Femme à la campagne, ça évite bien des désagréments. Le soir, tu rejoins ta compagne parmi l'odeur du foin et des fleurs des champs. Avoir sa femme à la campagne, ça évite bien des désagréments. Le soir, tu rejoins ta compagne parmi l'odeur du foin, parmi l'odeur du foin, parmi l'odeur du foin et des fleurs des champs. Allô? Bon, en tout cas, après, t'es crétineux. sonnerie au studio. T'oublies pas de passer faire les courses ce soir, hein. Als sie sich auf dem steilen Weg mal getroffen haben, dir war nur ein Lächeln genug, mich umzuverführen. Gleich hast du mich eingeladen, mit dir frei zu wandern. Plötzlich in deinem Äpfelhaus war ich wie zu Hause. Ich seh das Schattenlicht. Du bist es, die Hexe in den Wäldern. Doch du sprichst mit Bäumen, mit Pflanzen, mit Tieren. Bist du die Zauberin, die Hexe in den Wäldern. Deinen Zauberkreis drehte ich in wilden Tanze. Dein schwarzes Haar zündet meine erotischen Wünsche. In dir sehe ich die Dame, die mystische Sonne, die meine Tränen trocken leert, meine Leiden löchern. Ich seh das Schattenlicht. Du bist es, die Hexe in den Wäldern. Doch du sprichst mit Bäumen, mit Pflanzen, mit Tieren. Bist du die Zauberin, die Hexe in den Wäldern. Llegó tu no me puedo defender. ¡Hey, brother! Ya llegó la hora, hermano chicano, ya llegó tu hora, afroamericano. Vigentes crímenes de Estado contra la humanidad. Existen derechos humanos, a ellos les da igual. ¡Welcome hell! Este caso está cerrado. ¡Welcome hell! Hay que asesinarlo. ¡Welcome hell! Este caso está cerrado. ¡Welcome hell! Hay que eliminarlo. ¡Welcome hell! Este caso está cerrado. ¡Welcome hell! Hay que asesinarlo. ¡Welcome hell! Este caso está cerrado. ¡Welcome hell! Hay que eliminarlo. ¡A la unión! ¡Welcome! ¡SBN! ¡Welcome death! Vous êtes toujours dans la 21e Vampire Freaks, l'émission radio où Spike débarque dans votre salon chaque semaine sur votre radio favorite. J'ai envie de gros sons live. Je passerai Donnez-vous la peine de Mass Hysteria. Du live à Montréal en 1998, on retrouve Knowledge is Power, l'effet papillon, MH2CES, notamment un excellent live. Je passerai ensuite Let My Days Be Long d'Abyssinian, c'est sur l'album Arise sorti en 1978. On peut entendre This Land is for Everyone, Jalove, South African Enlistment et Meditation. C'est un album qui, malgré le temps, vieillit très très bien. Mais de toute façon, en général, tout ce qui est de 78, ça vieillit bien. J'ai une idée. On va écouter une cover de Lady Gaga, Bad Romance, revue et corrigée par les copains de Noidem. Apparemment, l'enregistrement de leur futur album avance bien. Hâte de l'écouter et surtout de vous le faire découvrir. Allez faire un tour sur la page Facebook de Noidem, un petit like au passage. Si on s'écoutait un vieux dub, je passerai Come We Go Dong de Lonnie Quincy Johnson. Si sur l'album Dead Beat and Blood sorti en 1978, on peut entendre Dead Beat and Blood, Down the Road, Song for Blood, un excellent album. On a commencé ce bloc en live et on le finira en live avec AC/DC et Dirty Deeds, Down the Chip. C'est sur le double album live de 1992, on peut entendre Thunderstruck, Hellbell, TNT, For Those About to Rock, entre autres. Donnez-vous la peine. Le positif est une bonne gangrène. Alors donnez. Jeunesse. donnez-vous la peine. Le mal, la notion des pas sans complexité. Je n'ai pas la prétention d'en éclairer les contours, sinon de l'oublier même. Car grâce au leçon d'enfance, d'adolescence, nous savons désormais. Donnez-vous la peine, donnez-vous la peine. Donnez-vous la peine. S'appelle le plus. Redonnez-vous la peine. Allez. Test. Days be long.

Hey, you want some dirty D's? You want some dirty D's done dirt cheap? Okay? Yeah. Concrete shoes, cyanide, tea. Vous êtes toujours dans la 21e Vampire Freaks sur votre radio favorite, mais aussi sur archive.org. On commencera ce bloc avec Trust et Antisocial en live. C'est du live à Paris en 1980. On poursuit avec Steel Pulse et Worth Weight in Gold. C'est sur l'album True Democracy, paru en 1982 et réédité en 1995. On peut entendre Ravers, Lego Beast, Your House, Dub Marcus Says. Vraiment top cet album. Je passerai ensuite Police d'Alborosi. C'est sur l'album Soul Pirate, sorti en 2008. On peut entendre Kingston Town, Moonshine, Black Woman, Soundkiller et One Lady Herb, entre autres. On s'écoutera ensuite Fédération de Van de Long Rifle. C'est extrait de l'album À bout portant, sorti en 2011. On peut entendre La Crise, Made in China, Désobéissance et Vide Merde, un album que j'adore. On a commencé ce bloc en live et on finira en live avec Megadeth et Kick the Chair. C'est sur le live That One Night à Buenos Aires en 2007. On peut entendre Blackmail de Universe, I'll Be There, Something That I Don't Know, et Peace Cells et plein d'autres. Antisocial. dress like kings, conqueror of land, conqueror of seas. Civilization far moved from caves. Oppressor, oppressor man, lived it. I curse that day, the day the maiden slaves are paid. How can we sing in a strange land? Dreadlock, policeman and soldier, fist up, pressure. Cette 21e Vampire Freaks touche malheureusement à sa fin. Je vous remercie encore de l'avoir suivi. Laissez-moi vos messages sur la page Facebook de l'émission Vampire Freaks, l'émission radio. Quand j'étais plus jeune, la seule chose qui m'empêchait de déconner, c'est mon amour pour le français et l'écriture en général. Alors pour finir, je diffuserai Le Petit Robert de Zebda. C'est sur l'album Essence Ordinaire, paru en 1998. On peut entendre Il n'y a pas d'arrangement, on est chez nous, le manouche. Et le classique Tomber la chemise. À la semaine prochaine. Même jour, même heure, même endroit sur votre radio favorite, mais aussi sur archive.org. Et n'oubliez pas, Vampire Freaks, c'est l'émission radio où Spike débarque dans votre salon. Salut à toutes et toutes, la tribu! Une famille lourde, l'amour y était le contraire du doute. La tête collée contre le poêle à mazout. Et j'ose même dire dans le coton, attendre comme dessine un mouton. Mouton. Je l'ai été jusque dans la tonsure, mais les prochains font pas dans la littérature. Et la main de ma mère était là en cas de doute, comme un parapluie qui te protège des gouttes. De plus. Et j'ose même dire du mauvais temps, on avait rien, on était content. Avant. Dégage et qu'on ne me parle plus au présent. Avant qu'on déchire mes pages et qu'on me dise passer au suivant. Avant. Avant. Petit j'étais gentil, j'étais même agréable. J'écrivais les deux coudes posés sur la table. J'ôtais de ma bouche les insanités, comme un petit prince de l'humanité. Je cédais ma place aux personnes âgées, pour un sourire, une poignée de dragées. J'enlevais ma casquette en entrant à l'école, mais être poli ça dispense pas d'école. Gentil et tout à la fois dernier de la classe, éveillé comme pouvait l'être une limace. Je dormais, j'ose même le dire si profond, et que s'écroule le plafond. Avant, qu'on me disait dégage et qu'on ne me parle plus au présent. Avant, qu'on déchire mes pages et qu'on me dise passer au suivant. Avant, avant. Car j'attendais, petit prince des gloutons, qu'on me porte à la bouche des paquets de bonbons. Y'avait pas la monnaie, mais c'était tout comme, car le baiser remplaçait l'économe. Et malgré les corvées de charbon, ma récompense était un bisou à l'horizon. Et dépassé le siècle où on te met au couvent, j'étais si nul, ma mère a pris les devants. Et se pointait à l'école un chiffon dans la chevelure. La maîtresse disait, regardez ses ratures. Le cœur en miettes, elle faisait parler l'eau et le sel. Et s'en retournait à sa vaisselle. Avant, qu'on me disait dégage et qu'on ne me parle plus au présent. Avant, qu'on déchire mes pages et qu'on me dise passer au suivant. Avant, avant. À 18h, se pointait le maçon. Un seul regard et à l'heure des cuissons, il disait, vous voulez qu'on nous coupe les bourses? À ces mots, une larme descend de la grande ours. Et j'ai compris qu'il y avait qu'une façon d'apprendre l'art de la multiplication. Depuis, j'ai plus voulu ressembler aux statues, et j'ai laissé mes potes à la salle du muscu. Ma mère m'a jeté un bouquin sur la table, un gros machin qui rentrait pas dans mon cartable. C'est tous ces mots qui ont allumé la lumière. Une spéciale dédicace au petit Robert. Avant, qu'on me disait dégage et qu'on ne me parle plus au présent. Avant, qu'on déchire mes pages et qu'on me dise passer au suivant. Avant. Avant. Avant. Petit. Rêveur. Mouton. Gentil. Avant qu'on déchire mes pages. Avant qu'on me dise dégage. Qu'on déchire mes pages. Avant. sauvage qu'on déchire mes pages. Thank you.